Le 15 août 1944, la côte méditerranéenne a été le théâtre du débarquement allié. Toulon est libéré le 28 août. Cette marche est l'hommage rendu à tous ceux qui, combattants illustres ou combattants de l'ombre, ont contribué à la libération de la Provence. Thank you.